C'est fou comme un balai. 89. C'est fou de la scène émergente. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Simon Fitzbé parle de l'amour toxique de Sid et Nancy dans *Is Dead*. On a aussi du nouveau matériel des Incorrigibles. Et aucune répétition jusqu'à 17h! Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, c'est l'émission du retour en pièces détachées. On est en direct des studios C'est fou à Trois-Rivières et je m'appelle Mathieu Plante. Salut Mathieu. Salut Kiwan. Ça va bien? Je commence à le savoir par cœur cette phrase-là, moi. C'est drôle. Moi, je trouve ça très drôle. Moi aussi, je trouve que c'était une pièce d'anthologie, l'émission d'hier. C'était un bonbon pour nous autres. Eh oui. Mais on est de grands incompris, donc on n'expliquera pas la blague au grand complet, mais disons que c'était le jour de la marmotte hier. C'est ça, hier, c'est le jour de la marmotte. S'il y en a qui sont curieux, vous pouvez aller écouter la balado-diffusion de l'émission sur assemblagerequis.com ou c'estfou.ca. Et si vous êtes patient et si vous êtes, si vous partagez le même humour bizarre que le nôtre, ben, peut-être que vous allez aimer l'émission d'hier. Sinon, ben, too bad. Too bad. Et puis, en passant, écoutez donc le film avec Bill Murray, le jour de la marmotte. Vous devez l'écouter. C'est un ordre. Ouais, c'est vrai qu'il faut quand même avoir vu le film pour comprendre l'émission d'hier, je pense. Ça n'a pas tellement de sens sinon, mais je suis même pas sûr que ça avait du sens avec, de toute façon. Ouais, c'est ça. Bon, dans l'émission d'aujourd'hui à Assemblage requis, on a tellement de sujets et d'étapes à suivre et d'outils nécessaires pour la construction de cette émission-là. On va avoir Simon Fitzbé qui va venir nous parler, comme toujours, de mythes du rock'n'roll. Et aujourd'hui, c'est l'amour toxique de Sid et Nancy. Il va nous parler, entre autres, d'un film qu'il y a eu là-dessus, qui a été diffusé. Et ça va être intéressant. C'est plus tard dans l'émission. On a aussi du nouveau matériel des Incorrigibles. Les gars seront pas ici avec nous aujourd'hui pour le présenter, mais on a quand même une pièce des Inco à vous présenter. C'est Petit Balloon aujourd'hui. Petit Balloon! Une boutade dépressive en do mineur. C'est assez intriguant et c'est plus tard dans l'émission. Alors, c'est bien tout pour ça. On va y aller en musique comme on le fait toujours en début d'émission. C'est ce qui nous met dans le beat. Oui, on va écouter un peu de Rara Riot, mais juste avant Vampire Weekend, White Sky. Vous êtes à Assemblage requis. Oh oui, toc, toc, toc, toc, swing, swing, c'est une drill. C'est ma galerie d'effets sonores. Je la fais pas 5 fois. Il y en a des nouveaux à chaque semaine, des effets sonores. Nation business, a modern piece of glasswork. Down on the corner that you walk each day in passing. The elderly sales clerk won't ask with suspicion. The whole of motor corporation's giving its permission. Questions while the horses race and taxis Rara Riot avec la pièce Run My Mouth à Assemblage Requis. Oui, ensemble jusqu'à 17h avec Kiwan et Mathieu. Qu'est-ce qui se passe ce soir ou bientôt ou côté? C'est quoi? C'est un spectacle? C'est un lancement? Quelque chose? C'est quoi ça? Je sais pas de quoi tu parles. Bravo Funkin. Ouais, non, ce soir, il y a sûrement aussi plein d'autres choses. On pourra vous parler qui se passe. Mais entre autres, du côté de Montréal, si jamais vous allez du côté de Montréal ce soir ou que vous y êtes déjà, un petit spectacle qui met entre autres en vedette un artiste qui est dans le palmarès francophone ici. En fait, qui va faire son entrée demain dans le palmarès francophone et qu'on joue souvent le groupe Bravo Funkin. On va en entendre dans quelques minutes. Mais aussi, le spectacle ce soir est avec Mathias Mental, qui est un duo qui est souvent connu pour leur côté électro, un peu trash. On fait plusieurs remixes aussi de groupes comme Half-Baked, We Are Wolves et Cougarette. Donc, ça donne un peu l'idée de le type d'artiste qu'ils aiment. Là, ça donne un peu une idée de l'esprit du duo. Ils font de l'électro assez trash, mais aussi, ils ont un projet acoustique. Ils ont fait un album dans la dernière année qui était vraiment entièrement acoustique et complètement différent de ce qu'on connaissait d'eux avant. Et on va écouter justement une pièce de cette version acoustique, de ce projet acoustique de Mathias Mental. On va écouter la pièce Too de New Alone et ça va être suivi de Bravo Funkin. Vous êtes à Assemblage Requis et moi je vais aller étudier mon livre de comment transitionner de sujet avec toi. C'est à l'hémisphère gauche ce soir si vous allez les voir à Montréal. OK. Concrete walls, concrete streets, I like things made of concrete because it seems that much more real and that much more solid. Paper people, paper friends, paper always melts in the rain, people always melt in the rain. I prefer concrete reality, since I found out from her and me. Two is the new alone, two is the new alone, two is the new alone, two is the new alone, two is the new alone, two is the new alone. And would it be so wrong to go on winter long, cause I feel so right to stay up all night and fight. Would it be so hard to live without being apart? Be so wrong. When she came in, she walked straight to me and she put her tongue in my ear. Yeah, she put her tongue in my ear. I said, I know you now. I met you somewhere, somehow, maybe in one of my plastic dreams. And I said, I'm sorry, baby, but I prefer concrete reality, since I found out from her and me. Two is the new alone, two is the new alone, two is the new alone, two is the new alone, two is the new alone, two is the new alone. Long, cause I feel so right to stay up all night and fight. Would it be so hard to live without being apart? Be so wrong. Partout me fait sourire à mourir, je respire. feu qui brûle tous les pas de danse dans ma transe zoologique. Et moi qui mange dans ton cœur, et toi qui s'assois sur ma fleur, on joue ensemble aux animaux. Et moi qui danse sous le pont, et toi qui chante tes poumons. Funkin avec la pièce Les Animaux, c'est une nouvelle entrée sur le palmarès francophone qui va être diffusée demain à compter de 13h, animée par toi, Mathieu Plante. Tout à fait. J'ai l'impression d'être pas d'accord avec personne aujourd'hui. J'ai l'impression d'être contre tout le monde. Ça n'a même pas d'allure. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, je sais. T'es dans ta crise d'adolescence, on dirait. C'est ça. Ça est muet. J'ai mu. Non, je sais pas. Moi, je trouvais que ça ressemblait à du tricot machine. Ouais, ben t'as le droit. Mais toi, tu trouves que non? Non, je trouve pas. Pourquoi? Ben, parce que c'est beaucoup trop rock et beaucoup trop pop, avec des arrangements beaucoup trop variés. Ça n'a pas le côté minimaliste, je trouve, de Tricot Machine, mais bon. Ben, c'est un gars puis c'est une fille qui chante, puis ben, de façon enjouée et enfantine. C'est sûr qu'un gars puis une fille qui chante, ça pourrait ressembler à Tricot Machine. Mais ben, il chante de façon enfantine, il chante sur le même genre de ton de voix, je trouve. Ça peut ressembler aussi à tu sais, mettons, un gars, une fille, voix enfantine, ça pourrait être René et Nathalie Simard. Ah, non, ça fait un petit peu peut-être Pete Yorn, Sky Johnson aussi, tu sais. Bon, Tricot Machine, peut-être Geneviève Mathieu, ce genre d'aspect-là. En tout cas, mange donc. Bon, on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Voilà donc pour ce petit bloc à Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées. T'as entendu parler un petit peu, Kiwan, des artistes qui vont être du festival, mon cher? Ouais, c'est ça, il y a eu un dévoilement hier, mais c'est vraiment juste les artistes qui vont être sur la scène Molson Dry. Molson Dry, les grosses affaires, les gros noms. Les voix populaires, ouais, c'est ça. Ce qui va attirer bien du monde, genre les Cowboys Fringants, la Compagnie Créole, hein, miam, miam, miam. Il va y avoir Plume la Traverse et Éric Lapointe. Hey, hein? Ben, c'est sûr que c'est un peu décevant là, comme programmation parce que tu sais, vraiment rien d'original. Éric Lapointe, ça doit faire 5000 fois qu'il vient à Trois-Rivières. Il n'était pas venu l'année passée parce qu'il y avait mal de gorge qui me semble. Ouais, il était en désintox ou je sais pas trop. Genre. Mais tu sais, les Cowboys Fringants, ça va faire 2 ans qu'ils vont avoir sorti leur album quand ils vont venir au mois de juin. Les gens commencent à l'écouter, j'imagine, là. Ben non, je pense qu'ils commencent à être pas mal. Ils commencent presque à être usés, leur album. Puis moi, déjà, je suis pas un super grand fan des Cowboys. Mais s'il y avait une fois à aller les voir, en fait, je l'ai fait. J'étais allé pour leur nouvelle tournée, leur nouvel album. J'étais allé l'été passé, tu sais, donc un an avant. Donc ça, c'est pas super original, mais en même temps, je veux pas critiquer le Festivois pour ça, parce que ça s'adresse pas à nous, dans le fond, là, les voix populaires. En tout cas, les auditeurs de C'est fou ici, toi, moi, les gens qui écoutent la musique qui joue à l'émission ici, iront musique pas, alternative, là, disons. C'est ça, on ira pas de toute façon là devant cette scène-là voir les voix populaires. C'est pas ça qui nous intéresse. Ça, c'est pour attirer la masse, cette scène-là. C'est ça, c'est pour les familles, c'est pour ma grand-mère, et c'est ça. Et c'est réussi dans ce cas-là, vraiment. Et c'est sûr que le party va être là, tout le monde le dit, ça va être le party. Ouais, c'est ça, dans le fond, là, je pense que le public des voix populaires est pas très difficile, puis il se serait contenté d'à peu près n'importe quoi, mais je trouve quand même là que c'est quand même pas là, la meilleure programmation que le Festival a sorti pour les voix populaires, quand même. Mais on a hâte d'entendre les noms alternatifs qui vont être annoncés dans les prochains mois jusqu'à dans le fond, le début du Festival, qui va être du 25 juin au 4 juillet. Il va y avoir 80 spectacles. Ouais, ça, ils font des dévoilements graduels. Hein. Ils vont comme par scène. Là. Ils vont dévoiler les voix rock, les voix émergentes, la relève, toutes les différentes scènes là, qui sont représentées pendant le festival vont être dévoilées peu à peu, comme ça, jusqu'au mois de juin. Donc moi, j'ai vraiment très hâte aux voix rock et émergentes, qui sont d'habitude les deux catégories où on retrouve les artistes qu'on aime. Puis dans les années passées, il y a eu vraiment des belles surprises. Là. Donc j'ai hâte de voir ce que c'est, ce qu'on va avoir pour ces scènes-là. Mais c'est ça, ça reste à voir. On verra. Allez voir sur festivois.com pour voir entre autres la vidéo de comment ils ont commencé à agacer les gens sur le Festivois. Et faites votre propre opinion là-dessus. On n'est pas là pour jaser ou dire que c'est poche ou que c'est bon ou que c'est merveilleux. Mais en tout cas, je sais pas si t'avais vu le vidéo. Je sais pas si c'est qui ou juste c'est dans l'organisation. T'sais, on est vraiment impartial ici là, parce que oui. Moi, je connais même pas qui organise ce festival-là. Et je connais pas qui organise non plus les Nuits Polaires. Mais les Nuits Polaires avaient fait exactement la même chose là, comme quelques semaines avec les Trois Accords. Mais tu parles de la petite chanson, tout le monde chante dans un milieu impromptu. Ben, c'est un petit clip là, où le groupe propre présente son arrivée au festival. Puis, mais c'est pas original non plus. Je pense pas qu'il ait copié les Nuits Polaires. Là. Je suis sûr que ça a déjà été fait avant. Ouais, ben exactement. Voilà, donc pour le Festivois, encore une fois, c'est du 25 juin au 4 juillet. On continue encore une fois en musique, on retourne écouter de la bonne chanson. On va écouter un groupe qui vient de faire son entrée sur le palmarès anglophone, c'est Los Campesinos. Leur album est Romance is Boring, et c'est aussi le nom de la pièce qui est sur le palmarès, mais on va en entendre une autre aujourd'hui. Ben on en écoute un autre, mais ben, ça va être quoi donc? Combien de temps d'entendre l'autre? On va leur jouer. Ah ben oui, c'est vrai. Voici There Are Listed Buildings. Assemblage requis. Au 89 FM, c'est fou! Et c'est rempli de surprises. In your stomach, splash your shoes. You complain the tap water on solid white. You dangle fishing line for crabs, but they're not interested. I'm your only bite. I watch your face move in a compact mirror. How the powder settles in. Tied your listed heart. I think I'd do it for love if it were not for the money. I'll take any scraps that you can drift for the there are listed buildings. I won't be tied, your listed heart. I think I'd do it for love if it were not for the money. I'd take any scraps that you can give. I think I'd do it for love if it were not for the money. I'd take any scraps that you can give. I think I'd do it for love if it were not for the money. Écoutez Assemblage Requis jusqu'à 17h. écoutez Kiwan et Mathieu. Assemblage requis. Ma cabane est faite de riz et de prix fini. C'est Mumu, mon petit frère, qui un jour l'a bâti. Dans le simple but de se défoncer la tomate. À l'abri des chiens, des loups, des millions de primates. Complète cravate. Et pour en fait être libre. Quand t'échappes la truie, tu te rends bien compte que c'est petit. C'était Mumu de Fred Fortin. C'est une nouvelle entrée dans le palmarès francophone qui, encore une fois, on le répète une millième fois, je pense, va être en direct demain entre 13h et 15h. Oups, ben oui, t'as changé de micro, toi. Je ne savais pas. Bonjour. Eh oui. Non, ça ne sera pas tant nouveau. Hein. Demain, finalement, les nouveautés dans le palmarès, étant donné qu'on va les avoir toutes faites jouer aujourd'hui. Mais quand même, je vous recommande quand même d'aller l'écouter. On a des concert party. Des concert party. Voilà, donc vous êtes à Assemblage requis, c'est l'émission du retour en pièces détachées jusqu'à 17h. Simon s'en vient. Non, pas celle-là. Oui, non. Oui. Ah oui. Donc, Simon Fitzbé s'en revient avec sa chronique par les aides dans quelques instants à peine. D'ici là, ben on va rire encore un peu d'hier. Mais c'est important d'avoir de l'autodérision. Oui, et ça, je crois qu'on en a de l'auto-haine dans mon corps. Vous êtes à Assemblage requis au 89 FM. Big mistake. I'm not afraid.

Sinon, il va y avoir plein de nerds qui vont dire « Ouais, mais là, vous avez dit... » Dans l'épisode 182 d'Assemblage requis, là, vous aviez dit que... Effectivement. Ouais. Comme les bandes dessinées. Ouais. Merci encore, Simon. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Nous, on va aller écouter Colorado un petit peu. Avec la pièce Juliet. Tu veux que... Non? Non, ben, non. Non, parce qu'on l'a entendu c'est récemment. Ça. Demande-moi avant de dire le titre. Qu'est-ce qu'on va écouter, Mathieu? Americanorama! Qui want the Colorado? Moi, je me rappelle dans l'épisode 3 d'Assemblage requis, là, quand ils ont eu en entrevue l'artiste, puis ils ont dit « Venez vous saucer, là! » Oh! Oh! Déshabillez-vous! Americanorama avec le groupe Colorado et c'est ce qui termine la première heure à Assemblage requis. Il nous en reste une deuxième, on va recevoir Jean-Gabriel Potier des Incorrigibles, le duo humoristique qui va être avec nous d'ici la fin de l'émission et on a une chronique technologique CNX sur les gadgets, donc c'est à venir dans la deuxième heure. Restez là. C'est chargé ça. Ouh. Allez, tassez pas votre marteau, gardez avec vous autres. Bon retour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées, l'émission qui, des fois, donne mal dans le bas du dos, quand on la lève trop vite. Ouais, c'est pour ça que c'est important de toujours plier ses genoux quand on écoute Assemblage Requis. Excellente morale, vraiment. Allez voir sur assemblagerequis.com en passant pour les liens de l'émission d'aujourd'hui et pour télécharger la balado-diffusion de l'émission, c'est sur assemblagerequis.com. Dans quelques minutes, une chronique CNX sur les gadgets. Mais avant ça, Kiwan... Juste avant ça, je vous glisse un petit mot sur le concours Microsonic qui a lieu à Shawinigan. C'est un des quelques... concours musicaux qui ont lieu dans la région ici à Mauricie. Donc, c'est à Shawinigan, ça se passe au Broadway Pub. La ronde préliminaire est déjà terminée, donc ça fait déjà plusieurs semaines que le concours Microsonic est débuté. Et on est rendu dans les quarts de finale et c'est demain soir que va avoir lieu la première demi-finale entre le groupe Mayday et Dance Laurie Dance. Ça va être une soirée plutôt punk rock parce que c'est deux groupes qui brassent pas mal. On va écouter tout de suite la pièce Montreal Hookers de Dance Laurie Dance qui fait un peu dans un mélange de punk et de rock, rockabilly, je dirais. On écoute ça tout de suite. Dance Laurie Dance avec la pièce Montreal Hookers. Ils vont être au concours Microsonic demain soir au Broadway Pub. Si vous voulez avoir toutes les informations sur le concours Microsonic, vous allez sur le site du Broadway. C'est www.broadwaypub.net et vous avez toutes les infos concernant le concours et la place aussi. Bon. Maintenant, c'est le moment de la chronique technologique CNX. Go, go, gadget. Go, go, gadget. dans la chronique technologique CNX, c'est Gogo Gadget. Donc, on parle de gadgets utiles ou inutiles complètement. Ça dépend du cas, ça dépend de toi, Kiwan, qui va juger qu'est-ce qui est utile et inutile là-dedans. Ah oui, c'est moi le juge aujourd'hui de si la pertinence veut. Des... Okay. À peu près. Commençons avec un gadget très intéressant. Passez du livre au téléviseur, nous dit le blog Branchez-vous Gadget. Que vos yeux se fatiguent rapidement ou que votre vision soit plus faible que la moyenne, voici un gadget qui vous aidera à profiter des joies de la lecture. Cet appareil qui ressemble à s'y méprendre à une souris est en fait une loupe sans fil. On la déplace sur un texte qu'on veut lire ou sur une photo qu'on désire admirer, puis l'appareil numérise le contenu et transmet l'image à une base de réception branchée dans le téléviseur. Le facteur de grossissement obtenu est proportionnel à la taille de l'écran du téléviseur, donc jusqu'à 28 fois si on branche la base de réception de l'appareil dans un écran de 32 pouces de diagonale. Ça va être disponible à partir du mois de mars pour environ 150$ chez Amaker Schlemmer. Une souris, donc, que tu promènes sur un texte, puis ça l'agrandit sur ton écran, c'est louche un peu. Ça peut être pratique, ouais. Pour certains. Si tu veux lire quelque chose, je sais pas, c'est ton Reader's Digest, il l'a en version gros caractère. La Bible aussi en version gros caractère. Pour vrai, Reader's Digest, ça, oui. Ça sert pour moi. C'est cœur, hein? Wow. Ça n'a même pas de sens. Un autre, en fait, c'est pas vraiment un gadget parce que ça a pas vraiment de puce électronique en dedans, mais quand même, c'est des genres de petites pinouches en forme de Hershey's Kisses. Tu connais les petits Kisses ouais. De Hershey's comme une genre de goutte. Très bon, très bonne façon de le dire. Donc, c'est des trucs pour tenir des CD sur un bureau. Donc, tu mets ces petits Hershey's Kisses là sur ton bureau. C'est en la même forme. Et puis là, tu peux déposer un CD dessus. Et comme ça, le CD a pas besoin de toucher la surface et t'as pas besoin de faire des scratchs dessus. Donc, c'est pour mettre tes CD sur ton bureau. Ça peut être bien. Mais on peut pas les manger. Non. Ça coûte environ 18$. Ça précise pas pour combien, par contre. T'sais, en fait, on peut prendre des vrais Hershey Kisses puis faire ça, là. Ah, tu vois, tu gagnes deux pierres d'un coup, ça, je pense. Et en plus, quand t'es tanné, quand t'as pas de CD à mettre dessus, ben là, tu les manges et voilà. Tout à fait. Là, je suis sur le site de la compagnie puis ça me dit quand même pas le nom. Voilà, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aujourd'hui, il y en a une dizaine pour environ 11,50 ou 18$ américains. Une poubelle motorisée, c'est pas parce qu'on s'adonne à l'une des plus vieilles corvées de l'humanité qu'on ne peut pas améliorer le processus avec un peu de technologie et d'électricité, dit le prochain article. La poubelle motorisée Reduce broie automatiquement les déchets qu'on y insère. Comment? Eh bien, elle est formée d'anneaux concentriques, supposément faciles à laver, qui écrabouillent les ordures et divisent le volume qu'elle consomme en deux. Ce qui permet d'utiliser moins de sacs de plastique et surtout de sortir les ordures moins souvent. Ça coûte 20$. Ça vaut 20$. Mais ça coûte 170$ chez Amazon. Ah. Le matériel, si on veut, coûte à peu près 20$ à produire, mais eux, ils chargent 170$ sur Amazon.com. Voilà, c'est via le site Craziest Gadgets. Je comprends pas pourquoi ils mentionnent que ça coûte 20$. C'est le gars du blog Branchez-vous. Là. Ouais. Tu liras ces articles une fois de temps en temps, voir si tu les trouves drôles ou si tu les trouves vraiment poche comme moi. T'sais. Ah, ok. Autant que certains trouvent notre humour poche. Autant que moi, je le trouve vraiment nul. Mais ce gadget-là s'appelle comment, le nom, là, t'as dit? Ça s'appelle Reduce. Ok. La poubelle motorisée Reduce. Une poubelle motorisée, ok. Ouais, quand t'as dit ça au départ, j'avais vraiment une autre idée. Je pensais à automobile, poubelle. Ça n'avait pas rapport avec le concept. Ben non, hein? Vraiment pas. C'est ça que je voulais dire par notre humour et pas très compréhensible non plus. Prochain gadget qui est encore une fois pas vraiment gadget, mais plus quelque chose qui est geek et qui pourrait servir peut-être pour ceux qui aiment faire des gâteaux et qui voudraient faire des gâteaux en forme de tu sais, sur un cadran. Là. Des fois, les chiffres sont comme en... Tu connais la forme des chiffres? T'sais, mettons, tu fais un 8, ben, c'est une forme comme ça. Une forme. Tu sais, c'est comme un genre de rectangle avec les coins pointus sur ton cadran. Quand tu te lèves des fois, t'as un cadran chez vous. Les chiffres sont tous faits de petits morceaux. Des petites lignes. C'est ça. Donc, tu peux faire un gâteau avec ces petites formes-là en achetant ces gadgets-là. C'est comme un genre de moule en forme de petits cristaux. Et tu peux faire, mettons, le chiffre 18 pour peut-être le 18e anniversaire de mariage ou peut-être la fête de ton enfant qui est geek. C'est cool. Ça coûte 16$ environ. Tu peux écrire des mots aussi hein, avec... Oui, tout à fait, exactement. Mais comme tu l'as vu sur les cadrans qui affichent des fois des mots comme « Hello », des fois les mots sont difficiles à comprendre avec ces petits films. C'est pas génial là-dessus. Les adaptateurs qui prennent trop de place vous ruinent l'existence et vous souhaitez profiter de rénovations domiciliaires pour régler le problème, demande le prochain article. D'ici quelques semaines, on pourra mettre la main sur les prises d'alimentation secteur True Power UCS qui offre, en plus des deux prises de courant standard, deux prises USB pour recharger ses appareils portatifs et alimenter ses gadgets ridicules, hein, dont on parle souvent ici à CNX, sans drainer l'énergie de la batterie de son portable et sans occuper les ports USB de son ordinateur. C'est le lecteur de disque dur externe que vous avez acheté pour faire. Alors, regarde bien la fin de l'article. Tu vas sûrement aimer ça. J'imagine qu'il y a une joke dedans. Je ne l'ai pas lu encore. La fin, mais regarde bien la joke. C'est le lecteur de disque dur externe que vous avez acheté pour faire vos copies de sauvegarde, mais qui passe tout son temps dans l'armoire parce que le port USB qui lui était destiné est toujours occupé par un chien qui zigne, qui vous en remerciera. C'est ça la joke de l'article. C'est beau. Mais là, c'est un peu déplacé, je trouve. Là. Ouais. Déplacé et pas mal plat, je trouve. 10$ environ chez, sur le site que vous retrouverez en lien sur assemblagerequis.com, comme toujours. On essaie d'amener le courrier conventionnel, les lettres et les timbres et tout ça dans le monde moderne, dans le 21e siècle, si on veut. Le Post CN01 utilise une genre d'alerte style courriel pour vous avertir quand vous avez reçu du nouveau courrier. Donc, il y a un sensor, là, qui est attaché à cette boîte-là, qui est rouge, qui ressemble à une boîte aux lettres avec une porte en avant. Donc, il y a un sensor dedans et qui va t'avertir à distance, donc à l'intérieur de la maison, tu vas recevoir un petit message comme bip bip. Là, ça va marquer, mettons, 3. Ça va détecter le nombre de lettres qui ont été insérées dans la boîte aux lettres. Donc, dans le fond, ça vous coûte de l'argent, ça vous sert pas à grand-chose, et puis c'est ben, ben, pas beau. Mais ça vous donne l'impression que recevoir des lettres par la poste, c'est très technologique. Exactement. Et ça, ça n'a pas de prix. Vous avez toujours pensé que votre voiture serait tellement plus efficace sans habitacle et sans coussin gonflable et surtout sans l'obligation de rester en contact avec le sol, demande encore une fois le blog Brochez-vous Gadget. Envolez-vous d'ici la fin de 2010 grâce au Jetpack, un genre d'hélicoptère personnel de la compagnie néo-zélandaise Martin. Il s'agit d'un véhicule aérien pour un seul passager ou pilote que l'on manipule avec un manche à balai et qui peut atteindre une altitude de plus de 2500 mètres. Et au cas où vous vous poseriez la question, oui, un parachute se déploie automatiquement en cas de pépin. Doté d'un moteur à essence capable de développer quelques 200 chevaux et de parcourir une cinquantaine de kilomètres sur un seul plein, cet engin, et là, j'imagine joke, là, cet engin du diable ne requerra aucun permis de pilotage aux États-Unis. Non, ça c'est pas une joke. Aucun permis de pilotage aux États-Unis, puisqu'il entre dans la catégorie des aéronefs ultra légers. Aucune chance que ça tourne mal, ça c'est certain, dit l'article. Ça coûte environ 100 000 $. Tourne mal, hélicoptère. Tourne mal, ben. Oh! Mais non, Mathieu, c'est le genre de jeu de mots que tu ferais. Ouais, là. Sois pas trop sévère envers son jeu de mots. Ben, je suis sévère envers moi-même parce que j'ai trouvé à chier mes jeux de mots moi-même. Ben là, arrête d'en faire. Cas, non! Tu vas faire tellement d'euros. S'il fallait que j'arrête de faire tout ce que j'haïs de moi-même, je ferais pas grand-chose, hein? Bon. Un concept que j'adore, celui-là m'intrigue vraiment, c'est la Live Checking Card, qui représente un concept très intéressant, dit le blog ogizmo.com, qui eux ne font pas vraiment de blagues dans leurs articles, vous allez voir. Donc ça affiche le montant dépensé jusqu'à maintenant sur la carte après chaque achat. C'est le genre d'idée que je dis que ça devrait exister depuis genre des décennies. Tout le monde le dit parce que c'est pas très original comme idée, on s'entend. Mais bref, c'est ça. Le concept lui-même est certainement un cauchemar pour les femmes et les gens, les copines qui vont acheter, qui vont se rendre compte des achats qu'ils font. Mais bon, que voulez-vous? La technologie derrière Live Checking Cards est de l'encre électronique qui vérifie votre historique d'achat et qui le match, si on veut, le couple avec les transactions de banque qui sont dans votre compte, etc., en utilisant une technologie là qu'on n'expliquera pas en détail. Donc, ça pourrait être une très, très bonne idée. Ce concept-là arrivera peut-être un jour, on ne sait pas encore, mais c'est un concept intéressant. Ça ne dit pas que ça existe, donc c'est malheureux. J'aurais aimé ça que ça existe là. Le système serait sur la carte, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça communiquerait par RFID, là, la technologie RFID, qui est la même affaire qu'on peut se faire implanter là, dans le doigt ou que les chiens se font implanter dans le cou, n'importe quoi, pour les informations médicales peuvent être écrites dessus. Donc, je sais pas comment ça va se transférer, mais bon. Un jour, ça existera. C'est l'important. Ensuite, lequel que j'ai envie de faire, parce qu'il y en a plein qui me restent, évidemment. Entre autres, le nouveau Boggle Flash, qui va être une nouvelle façon de jouer au Boggle, mais électronique, avec des petits appareils qui vont afficher les lettres. Je vais vous laisser aller voir l'article pour les détails. Je vais te laisser choisir entre des bas rechargeables qui gardent vos pieds au chaud, une souris aspirateur de poussière ou aspirateuse au féminin, disons. Lequel d'autre que je pourrais te donner comme choix? Une machine qui mâche du papier pour cracher du papier de toilette. Ouais, vas-y avec ça. Les deux autres, je trouve que c'est pas si nouveau, pas si étonnant. Donc, vas-y avec celui-là. Tout à fait. Donc, on sait que c'est bien que le papier puisse être recyclé, mais normalement, on peut pas voir le résultat de ce processus de recyclage d'une façon directe et immédiate. Ici, c'est pas exactement direct ou immédiat, mais ça arrive avec le temps, vous allez voir. Donc, cette machine s'appelle White Goat, et si tu lui nourris, tu la nourris avec 40 feuilles de papier à recycler, il va produire un rouleau de papier de toilette complet. Donc, le processus, un rouleau de papier de toilette. Oui, un rouleau de papier de toilette. Traduction simultanée de l'article. Le processus complet du début à la fin est contenu complètement à l'intérieur de la machine. Donc, elle déchiquette le papier, le dissout dans l'eau, l'assèche complètement et lui envoie de l'air, du vent. D'accord? Pour que le rouleau soit doux, si on veut. Le coût total est d'à peine 10 cents par rouleau, que ça dit. Même si la machine au complet, le White Goat, qui va être disponible en passant cet été, va coûter environ 100 000 $ C'est pas pour le commun des mortels, si on veut. Faut vraiment être quelqu'un qui utilise beaucoup, beaucoup de papier de toilette là, pour que ce soit rentable. Là. Exactement. Faut vraiment que tu aies même un problème, je dirais, de consommation de papier de toilette. Là. Bref, 100 000 $ C'est ça. Je pense que c'est mieux. Ça serait plus écologique et plus économique, je pense, d'utiliser des barbouillettes. Là. Ah, ben oui, c'est vrai. Une machine à laver. Ouais, c'est ça. J'espère que t'as ta machine à laver juste pour ça, parce que je voulais pas laver mon linge dans la même machine que t'as des barbouillettes. Qui bref, le reste des articles, que ce soit la souris qui aspire la poussière, que ce soit les bas rechargeables qui vous gardent au chaud, ou encore la mise à jour du système d'aimant avec des palettes de Photoshop, parce que c'est vraiment comme des palettes de Photoshop, comme dans le logiciel Photoshop, c'est des aimants, donc tu peux les mettre sur ton frigidaire. C'est super cute. Ça va être sur assemblagerequis.com. Et c'est tout pour la chronique CNX d'aujourd'hui sur les gadgets qu'on appelle GoGo Gadget. Et j'imagine qu'on retrouve ça lundi prochain. J'imagine, t'as-tu compris mon jeu de mots? J'imagine à la machine. Donc, les chroniques CNX qui sont présentées ici à Assemblage Requis, on les trouve les lundis matin à 10h dans CNX.zip, ici sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Soyez-y, j'y serai. On s'en va entendre Patin Rose. Non. Vas-y, je te niaise. Non, j'aime ça faire ça. Moi, je trouve ça drôle. Non, je suis fru. Oh, t'es tellement bon tourne. Acteur. On le sait depuis hier, toi. Hein? Tu t'es monté à la tête. Je sais même pas s'il nous accepterait à des cours d'acteur. Je pense pas. Il me dirait, tu es malade. Jusqu'à 17h, Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Et oui, vous êtes toujours à l'émission Assemblage Requis en compagnie de Kiwan et Mathieu. Il reste encore une grosse demi-heure à l'émission. Et comme on vous l'avait prévu au début de l'émission, comme on vous l'avait promis, en fait, on l'avait prédit recevoir... même, je dirais. Oui, c'est ça, comme on l'avait vous. Senti. On l'avait ça vraiment sent les senti. Incorrigibles. Les incorrigibles vont être avec nous dans quelques minutes. En fait, ce ne sera pas tous les incorrigibles, ça va être une partie des incorrigibles. Les deux tiers, exactement. Donc, on va écouter juste avant de les recevoir, on va écouter une pièce de qui donc? Ben, c'est une nouvelle entrée du palmarès anglophone. Voici Baja Bulat avec Gold Rush. Et on revient avec les incos tout après. Could I be the last to know when they told me where the fool had gone? Oh, I was nothing on the next one. Up there on the hills, they're climbing on. You went up with an open heart when they found you it was over. Hands they seem so long. Up there on the hills, they're climbing on. You saw the light of golden rush. You said you couldn't fight it on. This is the story of the one you lost and I wanted to run over your love. You found it in the deepest bones, but it up from the darkest wells. Bring your heart strings with the bells. Up there on the hills, they're climbing on. And if I hadn't drowned up there, then the night before the storm took hold, I know I would find them gold. Up there on the hills, they're climbing on. Another side of gold you rush. Oh, I could never find them all. Another story of the one you lost. And I wanted to run over your love. In the darkest of days, in my daydreams there, there in the eye of that tempest, you're nearer to me. 21 years you've been here every morning. 21 roses you hold, but they're fading now. I'm still there waiting. How could I be the last to know when they told me where the fool had gone? Oh, I was but the youngest one. Up there on the hills, they'll find me on another side of gold you rush. Oh, I could never find them all. Another story of the one you lost, and I wanted to run over. I wanted to take over. I wanted to run over your Baja Bulat, toujours dur à dire ce nom-là. Avec Gold Rush, c'est une nouvelle entrée du palmarès anglophone, ça vient de l'album Heart of My Own. Oui, et maintenant, comme c'est les mercredis, c'est maintenant la coutume depuis pas si longtemps, mais on s'est quand même habitué, on les attendait, c'est les incorrigibles qui sont avec nous. Nick, je ne suis pas ton père, mais j'ai quand même baisé ta mère à plusieurs reprises. Les incorrigibles! Hey, bonjour à vous deux tiers des incorrigibles. Normalement, Patrick Laperrière venait à chaque semaine nous parler, mais là, il est pas là. Mais non, il est pas là, Patrick, mais On a David Nollet qui est ici. Allô, c'est moi David Nollet. On tient à remercier Patrick Laperia qui malheureusement n'est pas présent pour essayer de confronter la bête que je suis. Patrick, malheureusement, comme nous tous, a une vie active pour essayer de gagner son pain. Et quand on dit son pain, c'est bel et bien puisque monsieur est ébéniste. Il n'y a aucun lien entre les deux métiers, mais on pense à son revenu et effectivement, Pat est un gosseux de pipe. Pour tous ceux que ça intéresse, Pat gosse assez amoureusement la pipe. C'est un fan de pipe. Effectivement, c'est un amoureux de la pipe. Il adore ça. Ouais. Ah, mais là, on a parlé de deux tiers là, des incorrigés. Moi, j'irais plus pour le 5-7e, mettons, là, considérant le fait que David Nollet soit imposant. Là. Un gabarit assez royal, comme on dirait. Oh oui. C'est rempli d'insultes. Donc, Jean-Gabriel Potier, c'est la voix que vous venez d'entendre. Dis donc bonjour. Bonjour, Jean-Gabriel Potier, les incorrigibles. C'est ça. Et David Nollet. Bonsoir, mesdames. Maintenant qu'ils sont présentés à vous, les dames et leurs parents et leurs familles. Leurs jeunes enfants. Ouais. Oui. Qu'est-ce qui vous amène? Non, c'est pas pour un public jeune, je pense, tant que ça. Non, mais non. À la base, non. Mais par contre, ceux qui suivent là, la page Facebook, il y a une mère de famille qui dit qu'il y a un enfant qui adore le sketch où Patrick joue avec son nez de clown. Donc, probablement, il faudrait faire une section enfants sur le site Internet. Question de censurer quelques-uns de nos vidéos. C'est ça. Ben, en tant que tel, je pense que les incorrigibles sont là pour vraiment défaire les préjugés. Essayer de les... comment qu'on disait ça tantôt amoureusement? Ce serait battre les préjugés à coups de pelle. Ben voilà. Puis je pense que les enfants de nos jours ont besoin de ne pas avoir trop de préjugés. Ils en ont déjà trop, déjà. Puis j'ai déjà... J'ai dit le mot déjà, pardon. Excuse-moi de te couper. Oui, c'est ça. J'aime ça à la radio. Moi, oui. Je peux parler en même temps que toi, puis comme pas le fun. Oui. Non, mais comme que j'ai déjà vu, tu sais, on parle de battre des préjugés à coups de pelle. Tu sais, j'ai déjà vu des enfants avec des pelles en plastique. Ils sont déjà armés, prêts contre les préjugés. Les enfants sont violents de nos jours. Oui. Donc, vous pourriez comme vous faire une armée d'enfants batteurs de préjugés à coups de pelle. Oui, de préférence des pelles de couleur là, assez vives. Là, question que les préjugés les voient venir, mais par contre, là, paf, saisis là, sur l'instant. Là. Et à vrai dire, la vraie raison pourquoi M. Laperia n'est pas là, c'est justement par rapport à sa relation ambiguë avec les bambins, les jeunes enfants. Le tribunal a malheureusement émis un avis de jugement envers M. Laperia qui ne peut pas être présent en présence d'enfants ni en présence de propos d'enfants. Donc, c'est pour cela, malheureusement, Patrick, il ne peut pas être présent. C'est compréhensible. Je comprends. À part de ça, quoi de neuf pour vous autres? Vos projets, vous en avez des tonnes. Là. Je sais que vous travaillez avec différents outils à manigancer des manigances. Oui, on manigance beaucoup de manigances. C'est, on a vous eu êtes des manuels hors-tubis, finalement. Hey, ça vient de loin, ça. J'aime ça, par exemple. Manuel Urtubiz. Hey, beau bonhomme, Manuel Urtubiz. Beau chic. Bonhomme. Moi, c'est sa coiffure à la Brian Austin Green dans Beverly Hills 90210, par exemple, qui était assez spectaculaire, que j'ai essayé d'avoir de mon enfance. Et malheureusement, par ma calvitie naissante, je n'ai pas pu. Alors, t'es né voilà. Calvin, toi. Ah, je suis né Calvin. D'ailleurs, j'aimerais ça qu'on en parle. Présentement, puisque je pense que c'est le sujet de l'émission, la calvitie. Plusieurs gens disent que la calvitie est une source, une maladie. Les gens souffrent de calvitie. C'est pas vrai. Je me sens pas plus mal. J'ai pas de symptômes de calvitie autre que la perte de mes cheveux. Je file bien pareil. D'abord, c'est ton front qui pousse. Effectivement. Merci. C'est une preuve de virilité, par contre. T'as remarqué que les gens qui ont pas beaucoup de cheveux sur la tête ont beaucoup de poils sur le corps. Les gens sont velus. À vrai dire, je pense que les gens qui se font de la calvitie ont un passé de loup-garou. Mais ouais. Là-dessus, je laisse Jean-Gabriel pour suivre. Je ne fais pas de calvitie et pourtant, on peut faire un tapis de bain avec mon poil de dos. C'est dégueulasse. Ouais. Non, mais pour venir là à nos spatules, les incorrigibles, on a eu une grosse réunion là en fin de semaine. Là, c'est le temps de faire... Colin, d'aller toutes dans la même direction. Tu sais, là, on se pitch partout, on est à la radio, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. C'est trop n'importe quoi. Autre que cette émission. Autre que cette émission. Mais regarde, il nous fallait un point d'appui. Vous vous concentrez sur le noyau qu'est Assemblage Rock. Exactement. Mais les incorrigibles ont décidé d'avoir une ligne afin de continuer. Une ligne directrice, semble-t-il. Ligne directrice, oui, ou directeur, là. Ça dépend. C'est, ouais, un ligne directeur. Toujours plus fort d'un directeur R que directeur E. Ouais, c'est ça. Ça manque d'autorité. Fait que tu sais, dans le fond, les incorrigibles, on va se concentrer. Bon, oui, on va encore faire du sketch. Oui, on va encore faire de la radio. Mais les incorrigibles, on va aussi faire des trucs plus sérieux. On va faire des entrevues. De fond, là, des entrevues des vraies entrevues. De sujets d'actualité. Oui, des sujets d'actualité, mais surtout des sujets qui vont tourner autour des préjugés. Moi, je déteste les préjugés. Surtout que c'est très facile d'en avoir envers toi, Jean-Gabriel. Oui, gars, je déteste les gens qui ont des préjugés envers moi. T'sais, vas-y, lance-moi un préjugé, David. Vas-y. Visuellement partant, c'est plus difficile pour nos auditeurs, mais imaginez une quelconque bébite de la guerre des étoiles, je crois, ou dans Star Wars, je m'en rappelle trop. Un Ewoks, hein? Un Ewok, ben c'est un peu... Jean-Gabriel, c'est un peu comme un Ewok par son regard jeune bambin affaibli. Mais en même temps, en tant que tel, on pourrait avoir un préjugé sur son allure gothique. Fait qu'imaginez un Ewoks gothique en même temps. C'est facile d'avoir un préjugé et oui, dire que ce gars-là n'est pas sympathique. Mais c'est facile de battre ce préjugé-là en disant qu'un Ewok, c'est cute en crisse. On s'entend, là. Bon, voilà, ce serait le genre de truc qu'on va faire. Wow. Par exemple, je vais vous lancer un petit scoop. Là, les incorrigibles vont essayer... En tout cas, ce que j'ai entendu dire, là... C'est des rumeurs jusqu'à maintenant. Ce sont des rumeurs. Des qui-dire, des oui-dire, des gens entendus dire. Puis des... Exactement, ouais. Qu'il allait avoir une entrevue à propos d'arrangements funéraires. Est-ce qu'il y a un de nous qui va mourir, Jean-Gab, puis t'oses pas nous en parler? Est-ce que ce serait pour ça que Patrick Lapérane ne serait pas présent, qui est présentement dans... Écoutez, une... Écoutez, je m'avancerai pas trop sur le sujet, mais personnellement, j'ai l'intention d'aller magasiner des pierres tombales, des cercueils et des arrangements floraux. C'est ce qu'on appelle vraiment juste effleurer le sujet. Oh oui, regarde, je suis très de surface. Moi, je suis un gars de surface. C'est ce que sa blonde m'a dit. En plus, des entrevues, on fait de la zizique. Tu sais, jusqu'à présent, on présente de la musique là, à la radio et tout ça. On va garder ce créneau-là. On trouve que c'est une belle façon de s'exprimer, de s'amuser. Puis en même temps, regarde, on est capable de passer sur Internet, de passer à la radio. De divertir notre auditoire aussi, parce qu'on commence tranquillement pas vite à avoir le plus de gens qui apprécient le travail des incorrigibles. Bien sûr, c'est grâce à nos médias qu'on utilise, entre autres vous, Facebook, bien sûr, notre site web, si on peut le rappeler, dans le fond, qui nous donne un gros coup de main là-dessus. Et les gens commencent à apprécier de plus en plus ce qui s'en vient. C'est pour ça qu'on veut leur donner, dans le fond, du contenu, quelque chose de sérieux, de plus en plus solide. Regarde, je vous cacherai pas que ma mère aime vraiment gros ce qu'on fait. Ça, je vous le cacherai pas. Bon, j'ai encore à travailler sur l'amour de mon père face aux incorrigibles, mais ma mère, là. Fan numéro un, là. Mmh. Patrick aussi travaille beaucoup sur l'amour de la mère de Jean-Gabriel. Je tiens à spécifier. Oui, énormément. D'ailleurs, ça va probablement faire le sujet d'un sketch éventuellement. Uh-huh. Ah, ma mère est hot, là. Ça, c'est vrai, par exemple. Okay. Ma mère est vraiment hot. Puis, tu sais, Pat essaie de trouver une façon de tasser mon père, là. Mais juste par l'âge, on sent que Patrick se rapproche beaucoup de ta mère. Ah oui. Au niveau de différence d'âge, beaucoup plus que nous deux, d'ailleurs. Oui. Nous sommes jeunes et frêles. Oui, peut-être par l'âge, il se rapproche, mais par le ventre, il s'éloigne. Il est plus du côté de ton père. Oui, c'est ça. Mmh. Exactement. Je pense qu'on a une petite zizique à faire entendre. Oui, j'aimerais ça, moi. Ben regarde, moi aussi. Hey, on vous laisse avec Petit Balloon. On écoute ça à Assemblage Requis. Ouais, mais comment je pourrais dire? Petit Balloon, ça, c'était un gars qui était bien là. Il était là, il était gros, il était roux, il était tout. Mais c'était un gars qui était bien fier, par exemple. Mais il se faisait écœurer par Pat Lapérière. C'était dans le temps que les villages avaient plus de burlade, de passe au poil, la brunante, de Madagascar, de Caxton. Puis ce gars-là, il a fini par se prendre. Ok, toi, Carlis. J'ai jamais dit qu'avec son hostie de face de clown, on l'appelait Petit Balloon. J'y aurais donc dit. J'y aurais donc dit qu'avec son cul un peu trop large, il y avait de la place pour un garage. Si j'y avais dit. Si j'y avais dit que ses oreilles se décollaient, que ses aisselles sans ailes n'avaient. Regarde les dons avec ses joggers, mon gars, là. Mais en fait, le vrai problème, man, c'est que sa mère a gardé le placenta puis jeté le bébé. Ouais, faut pas avoir de fierté, hein. Mais là, comment tu veux qu'il soit fier, Asti? Il est roux, man. Même que c'est qui est plus humain. Ben, c'est lui, man. C'est juste parce que le vin est de notre bord. Oups. Non, il s'en vient, là. Tu penses-tu? C'est clair qu'il nous a entendus. Ouais, j'ai pas entendu. Oh. Qu'est-ce que tu dis, Petit Balloon? Peux-tu répéter, Patrick? Là, il comprend pas. Hey, mon asti gros débile, t'es-tu capable d'articuler un petit peu plus? Ah oui? J'aurais donc dû lui dire que c'était pas si pire. Puis le crisser en bas du navire. Mais là, je peux plus. Parce qu'il mourut. Il s'est pendu. Lâche dans le cul. C'était mature, ça, les gars. C'était vraiment... Oh oui! Excellent. Non, mais comme qu'on peut voir, là, les incorrigibles, la toune est drôle, mais la fin est triste en maudit, là. Mm. J'ai encore la larme à l'œil, là. Non, non, mais je parle. Avoir un cœur. Hey, les gars, come on. Avoir un cœur, j'aurai encore larme à l'œil. Eh ben, je suis sensible, c'est pour ça. Ben oui, c'est ça. Hey, mais on parlait de moyens de contraception avec Kiwan tantôt. Ben oui, je sais pas pourquoi on parlait de ça au juste, là. C'est sûr que certaines personnes pourraient prétendre que ma moustache est un moyen de contraception. Ouais. Visuellement parlant, je peux te dire que oui. Je n'ai pas de goût de toi présentement. Ouais, bon, mais ça marche. Bon. Ah, ça fonctionne. Hey, mais on a d'autres choses, les incorrigibles. Hein? Ben oui, on a parlé des entrevues, la zizik, il y a les sketchs. Excellent sketch, ben oui. Faut absolument garder notre côté sketch et notre côté très, très mature et réfléchi. Ouais. Silence inconfortable ici. Oui, c'est un malaise palpable. On fait aussi des petites vites. Pour ceux qui nous suivent là, sur la page de Facebook, on fait des petites vites, là, tu sais, des petites vidéos de 5 secondes. Là. Ouais, comme le coup de téléphone, mettons. Le coup de téléphone, ça en est un. Le nid de clown. Là. Ben oui. Le nid de clown, ça dure pas longtemps, 25 secondes de pouet-pouet. Fait que ça, c'est nos petites vites. Fait qu'on essaie de diversifier un peu nos activités afin de plaire à un public plus large. Là, c'est clair que ma mère a pas aimé ça me voir vomir pendant une minute et demie. Ni te voir à quatre pattes avec un homme dans tes fesses. C'est ça, ma mère a pas tant apprécié. Pas tant? Ben, pas tant, tu sais. Oui, elle est fan, ma mère, là, on se le cachera pas. Mais, de voir son petit gars à quatre pattes devant notre homme. Mais, c'est pas comme si elle s'y attendait pas que ça arrive un jour ou l'autre. Mais ça, c'est un autre sujet. Ah, David Nollet, ça, c'est un peu déplacé, hein? Non, je pense que c'est juste. Bon, on en reparlera à ma copine, hein? Ma copine qui pense totalement différent, David Nollet. Qui, d'ailleurs, a un groupe. Oui, un groupe de musique. On n'est pas là pour faire la promotion du groupe de musique. On peut le faire maintenant que c'est dit. Ah, bon, OK. MySpace, barre oblique, The juste Gift, MySpace, QC. Ben. Tu mets pas un point com avec toi? Ouais, myspace.com. C'est parce que le public est pas attardé. Ils savent ces affaires-là. J'ai pris tout pour des épées, moi. C'est ça que tu veux dire? Ben donc, jamais j'oserais dire ça. Jamais. Mais moi, je fais confiance en l'intelligence des gens qui. Donc, myspace, trait d'union, dièse, thegiftqc.com. C'est ça. Bon. Exactement. C'est parfait. Oui, exactement. On a une. J'ai déstabilisé, pas pire. Oui, un peu. Ouais, j'étais un peu perdu. Mais c'est C'était voulu. Ben, je restais assis au moins, je suis pas tombé de ma chaise. Non, écoute, parce que la semaine passée, j'écoutais l'émission, parce que vois-tu, je travaille, moi, pour gagner ma vie. Et, ben oui, des fois, quand on termine l'université en communication, on a un emploi, parfois. Ça arrive. Dans notre domaine. Oui, quand on couche avec les bonnes personnes, hein, David. Ouais. Merci. Et, ta mère. Et, d'ailleurs, justement, j'écoutais l'émission et je trouvais qu'on me passait passablement dans la boue, hein. Et je n'avais pas de plaisir à être là, à ne pas être là, à être absent, à être plutôt sujet de discussion tout en n'étant pas là. Donc, M. Poitier, qui ne m'a pas plus défendu, qui fut protégé par M. Laperrière. Et M. Laperrière, qui malheureusement n'est pas présent. Encore une fois, on parle par les problèmes avec la cour qu'il y a eu dernièrement et les jeunes bambins. Et les pipes, on vous le rappelle. Oui, c'est pour lier les trois ensemble. Mais, ouais, bon, dans ce qui s'en vient. Encore une fois, on le disait de façon plus sérieuse, par exemple, on va essayer d'avoir une certaine régularité, comme dirait Donald Milon avec les fibres. Ouais. Hein? C'est important, un bon programme de fibres. On va essayer d'avoir cette régularité-là pour essayer de plaire aux gens sans nécessairement les noyer dans notre offre. Moi, je pourrais dire notre offre humoristique. Oui. Voilà, d'avoir diverses possibilités tout en étant une ligne directrice qui est nous et nous-mêmes. Oui, c'est bien dit ça. Je savais pas tout où tu t'en allais. Moi non plus. Mais c'est. Non, l'important, c'est le but. Il y a un gars avec une moustache à côté de moi qui me fait de l'œil, donc je te dirais que. Ça déconcentre quand même. Ça perturbe son âme. Regarde dans les yeux, David, dans les yeux. Hey, on a une grosse annonce. Ouais, tambour et trompette. Là, c'est en premier ici, c'est exclusif à nous. Là, oui, ça va. Écoutez, je peux pas vraiment vous en dire plus. Écoute, si tu fais juste dire un petit peu un interlude comme tu as fait tantôt, tu vas en dire beaucoup. Je te dis ça de même. Oui, non, mais j'en dirai pas autant. Là. Ça, c'est important, donc on fait attention. La semaine prochaine à l'émission, les incorrigibles vont faire une très grosse annonce. Donc l'annonce, c'est que vous allez faire une annonce. C'est une annonce d'annonce. Si on veut teaser le monde. Ça, c'est 7 pieds par 4 à peu près. Ouais. Grosse annonce. Ouais. Ça va être assez gros. Ça va. Comment je pourrais dire ça? Ça va déranger. Socialement, il y a des gens qui vont se sentir chatouillés. Percutés. touché. Parfois délicatement, parfois un peu plus brusquement. Graffiné. Écoutez, continue, j'ai des synonymes. Ouais, moi j'en ai plus de temps. tu sais, j'ai volé, puis t'as le dictionnaire dans les mains. écoutez, regarde, on n'en dira pas plus. Okay. Soyez à l'écoute la semaine prochaine. C'est à la radio que l'annonce va se faire en premier. Ensuite, pour ceux qui ne seront pas à l'écoute, on t'avoue, un. De deux, vous méritez. Attends, il y a du monde qui sont pas à l'écoute. Je sais pas. Ben, on les voit pas, les gens à la maison. Ouais, effectivement. Mais bon. Comme eux ne te voient pas, David, présentement, pas de pantalon. Ah, ça, c'est coquin. C'est avec, avec la moustache qui avec un suçon, oui, c'est sûr. Avec ça. Un suçon que vous pouvez entendre ici. Voilà, ça, ouais. C'est un suçon. Ça, ça chatouille. Est-ce que voilà. C'est vraiment un suçon, David? Mais c'est ce que les gens se demandent. Sur notre annonce que tu as faite tantôt, là, toi, mettons que tu me dirais que tu vas mourir ou que tu as le sida, là, ça serait, ouais, j'aimerais vous dire une grosse nouvelle, c'est peut-être que j'aurais le... Non, c'est pas toi, ça. Ça, il manque de punch, de fluide, de quelque chose dedans, de dire, regardez, la semaine prochaine, on va avoir une grosse annonce ici. La semaine prochaine, à l'émission de nos copains, ça va être vraiment la première, la primeur, on la lance ici, la grosse nouvelle. Ça, je pense que ça pourrait fesser plus. Ouais, ça peut fesser plus, mais en même temps, c'est un peu hypocrite. Bon, il y a des chicanes à travers les incorrigibles, ça part là. De un, de deux, ben, tu sais, on peut en parler, tu sais, il y en a un qui est pas là. C'est Pat a un problème érectile, je tiens à vous le rappeler. Patrick ouais. Laperrière a un problème érectile. Plus la bédaine grossit, plus le zizi reste petit. Bon, c'est un petit problème érectile, disons-le. Oui. Mais un problème à grande base. On n'est pas tous dotés comme toi de grosses bases. Oui. Mais en fait, c'est Patrick qui a une grosse base. C'est la circonférence qui est volumineuse. Ça commence à être vulgaire, là. Mais non, on parle de rien, là. On parle de base académique. Non, excuse-moi. Oui, c'est ça. Hein? Patrick est allé chercher un diplôme en design graphique. Ah. Oui, Patrick est retourné à l'école. Hey, bravo. Oui, ben ouais. Bravo, Patrick. Il a terminé, devrait recevoir son diplôme éventuellement. Mais à quoi ça va lui servir, veux-tu bien me dire? Regarde, écoutez, je suis pas là pour juger sur ce que ça va lui servir. Moi, ouais, oui. Ah oui, parce que t'es seul qui a une job d'intro, c'est ça? Voilà. Ça pourrait continuer longtemps, tout ça, hein? Oui, on peut parler dans le bar encore là, des heures et des heures. Faire comme si on était préparé. Mais je pense que dans ce qu'on est de meilleur, c'est de faire de l'humour en sketch, en... Attends un peu, David, je regarde mes notes, là. Mais oui, fais le tour. Non, dans le fond, je pense qu'on va rester plus performant dans nos entrevues, dans nos petites zites. Donnez votre 110%. 110%, travaillez fort dans un coin, c'est écoute, sortez de la douche, puis ne pas rester dans le placard. Merveilleux. Les gens peuvent aller voir lesincorrigibles.tv, incorrigibles avec un Z au début, hein, lesincorrigibles.tv, ou vous cherchez sur Facebook Les Incorrigibles. Voilà. Mmh. On a une grande rectitude du français dans notre concept de mots. Oui, je sais. On est tous allés à l'université. On reste en communication. Ouais. Ouais. Bon. On vous retrouve la semaine prochaine avec votre grande annonce, là, super, super excitante. Quoi. Oui. Grande annonce et... Prends-moi pas pour un cave 2. Et est-ce que vous savez si Patrick va être libéré de la cour d'ici là? On devrait tenir les enfants à l'écart. Okay. Donc, je ne veux pas m'avancer. Mais je crois que Patrick aura la permission de venir sous chaîne, au poignet et au pied, assister à cette émission. Parfait. On parlera pas d'enfants la semaine prochaine. Non. Merci Jean-Gabriel Potier et David Nollet, deux tiers ou cinq septièmes. Cinq septièmes, oh oui. Un grand merci à vous. À la semaine prochaine, mercredi, 16h30. On écoute les Amis au Pakistan. Oui. Avec Le Fleur de ma journée. Une pièce qui a autant de sens. le fleur de ma journée par les amis au Pakistan à Assemblage Requis. C'est la fin de l'émission. D'ailleurs, les amis au Pakistan sont dans le palmarès francophone. Palmarès qui est diffusé demain entre 13h et 15h avec moi. Bon. On va être là, nous autres aussi, Mathieu, avec toi. Oui, c'est ça. Fais comme si tu écoutais les palmarès, c'est fou. Ben, des fois même, je les co-anime. Fait que, hein? Ben, c'est vrai. Voilà, donc on se retrouve demain à 13h, comme je le disais, et puis à 15h, il va y avoir Assemblage Requis avec la présence demain de Vidéo dans la question. Cette semaine, ça va être sur l'intolérance raciale. Bon, l'intolérance raciale. C'est un peu comme le même sujet que les incorrigibles, finalement. C'est des affaires profondes et importantes. C'est des grands combattants des préjugés, ces deux groupes-là. C'est des combattants des préjugés. Hein? Voilà. Sur les ondes de C'est fou aujourd'hui, à 17h, ça va être la dernière porte à gauche avec Kiwan qui va rester avec vous. Oui, ça s'en vient dans quelques minutes, la dernière porte à gauche avec un petit retour encore une fois sur les francs ouvertes qui ont commencé cette semaine et quelques petites surprises. Les frandouillettes. Les frandouillettes comme tu aimes si bien les appeler. Ensuite, il y aura l'émission de musique éclectique En attendant, puis à 19h, c'est Volteface avec du rap et à 21h, c'est Psy-TR avec de la musique électronique. Passez une excellente soirée. Bonne émission, Kiwan. Merci Mathieu, à demain. Et on se quitte avec OK Go et la pièce Sky. Scraper. Beaucoup, beaucoup de contenu dans l'émission d'aujourd'hui. Je trouve que c'était comme, t'sais, comme des patates. T'sais, quand tu mets l'enveloppe de patates à préparer, puis là tu mets du beurre, tu mets du lait, tu brasses ça. Skyscrapers, please forgive me. I didn't mean a word I said. Skyscrapers, I was just tangled up in my own head. Stand here a penitent man.